Proverbe chapitre 6. Mon fils, si tu as cautionné pour quelqu'un envers ton ami, ou si tu as frappé dans la main à l'étranger, tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. Mon fils, fais maintenant ceci, et te dégage, puisque tu es tombé entre les mains de ton intime ami, va, prosterne-toi, et encourage tes amis. Ne donne point de sommeil à tes yeux, et ne laisse point sommeiller tes paupières. Dégage-toi comme le daim de la main du chasseur, et comme l'oiseau de la main de l'oiseur. Va, paresseux, vers la fourmi, regarde ses voies, et sois sage. Elle n'a ni chef, ni directeur, ni gouverneur. Et cependant elle prépare en été son pain, et amasse durant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand te tiendras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton lit? Un peu de sommeil, dis-tu, un peu de sommeil, un peu de ploiement de bras, afin de demeurer couché. Et ta pauvreté viendra comme un passant, et ta disette, comme un soldat. L'homme qui imite le démon, est un homme violent, et ses discours sont faux. Il fait signe de ses yeux, il parle de ses pieds, il enseigne de ses doigts. Il y a des renversements dans son cœur, il machine du mal en tout temps, il fait naître des querelles. C'est pourquoi sa calamité viendra subitement, il sera subitement brisé, il n'y aura point de guérison. Dieu est ces six choses, et même sept lui sont en abomination. Savoir, les yeux hautains, la fausse langue, les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui machine de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal. Le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème des querelles entre les frères. Mon fils, garde le commandement de ton père, et n'abandonne point l'enseignement de ta mère. Tiens-les continuellement liés à ton cœur, et les attache à ton cou. Quand tu marcheras, il te conduira, et quand tu te coucheras, il te gardera, et quand tu te réveilleras, il s'entretiendra avec toi. Car le commandement est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les répréhensions propres à instruire sont le chemin de la vie. Pour te garder de la mauvaise femme, et des flatteries de la langue étrangère. Ne convoite point en ton cœur sa beauté, et ne te laisse point prendre à ses yeux. Car pour l'amour de la femme débauchée, on en vient jusqu'à un morceau de pain, et la femme convoiteuse d'homme chasse après l'âme précieuse de l'homme. Quelqu'un peut-il prendre du feu dans son sein, sans que ses habits brûlent? Quelqu'un marchera-t-il sur la braise, sans que ses pieds en soient brûlés? Ainsi en prend-il à celui qui entre vers la femme de son prochain, quiconque la touchera, ne sera point innocent. On ne méprise point un larron, s'il dérobe pour remplir son âme quand il a faim. Et s'il est trouvé, il le récompensera cette fois au double, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet adultère avec une femme, est dépourvu de sens, et celui qui le fera, sera le destructeur de son âme. Il trouvera des plaies de l'ignominie, et son opprobre ne sera point effacé. Car la jalousie est une fureur de mari, qui n'épargnera point l'adultère au jour de la vengeance. Il n'aura égard à aucune rançon, et il n'acceptera rien, quand tu multiplierais les présents.